Pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Bonjour et bienvenue sur le blog de Label Rock. Une émission spéciale, hein, spéciale internet, sorte de petite cerise sur le gâteau. C'est un petit peu comme si le Papa Noël était... venu sur le blog et déposé quelques cadeaux, notamment un retour sur la soirée des mardis du Grand Marais, dernière soirée de l'année, qui s'est déroulée donc le 22 décembre du côté de Riorges. Deux groupes pour vous donc en live dans ce podcast, et on commence avec un groupe de Lyon qui s'appelle les Monstres aux Plantes, qui d'ailleurs ouvrait la soirée du côté de Riorges. C'était donc le mardi 22. Trois extraits live des Monstres aux Plantes tout de suite sur ce podcast. Merci. Vous êtes super sympa. Est-ce que ça va? Est-ce que vous le sentez bien? Come on, come on! You're gonna learn, you won't believe it till your face upon a monitor. We're gonna die now, we're gonna scream. That's not what you can do if you proceed to kill. Pollution and chemical waste. You're gonna eat that step all without your taste. No one else are gonna be reminded. But so the only one who went out just aside. I'm trying to feed you. Yeah. I'm trying to beat you. Fincher. Est-ce que vous aimez le rock and roll? Come on. les monstres aux plantes dans le podcast spécial Noël de Label Rock avec Julien donc qui s'occupait des voix, Mag aux percussions, Gilles au laptop, scratch, guitare, live effect, Tanguy au sousaphone, Ludovic à la trompette, Aurélien à la trompette, Arnaud au sax baryton, alto et soprano, Sébastien, Dr Seb donc sax ténor. Et Franck Rivoire qui s'occupait du son, qui était technicien. On les remercie. Autre groupe qui était présent du côté des Mardis du Grand Marais, c'est bien évidemment Micro Machine, Dark Fader à la Groovebox, Moog, clavier, chant, danse, Fat Burner au sax, stylophone, sampler, percussion électronique, clavier, chant et danse, Le Fabricant au niveau des scratchs et du sampler et VJ Zero pour les vidéoprojections. Et Juka la chanteuse, Micro Machine donc tout de suite dans ce spécial podcast pour Noël 2009. Bienvenue dans l'univers féerique de Micro Machine, son sens de l'humour, son sens du déguisement. Et voici bien à propos une paire d'otaries nues sur scène pour vous, messieurs. Ce morceau s'appelle Pussy, il date de votre album de 1894. Faites du bruit pour ça! Bonsoir, bonsoir chers amis de Rioge. Vraiment merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Est-ce que vous avez envie de faire la fête avec nous? C'est la panique et le foyer. Oh là là, Benana, je vous fasse ce kilo là-bas. Elle est bondée et filée, là où il faut, j'en doute pas. C'est le lundi, c'est le lundi, quand le swing, sur un esprit des tangas. Elle est la pêche, pour la pêche, c'est la panique et le foyer. Oula! Oula, oula! Oula là! Aïe, aïe, aïe! Oula! Oula, oula! Aïe aïe aïe. Oula la belle nana, je vous fais un petit lot là-bas. Elle bronze et répilée, c'est là où il faut chanter de pas. C'est le même ami, c'est le même ami, quand le souhait, tout les strings des tangas. Elle eut la mèche, trouve la belle, c'est la panique et le fire fire. Oula. Oula, oula. Oula. Aïe aïe aïe. Oula. Oula, oula. Oula, oula, oula, oula, if you show me your dick, I will show you my pussy. If you want me to suck your prick, so drink the milk of my pussy. If you show me your dick, I will show you my pussy. If you want me to take your break, so drink the milk of my pussy. Pussy, pussy. If you show me your teeth, I will show you my pussy. If you want me to take your break, so drink the milk of my pussy. Pussy, pussy. I want to see your teeth. I will show you my pussy. If you want me to take your break, so drink the milk of my pussy. Pussy, pussy. I want to feel it in me. I want to feel it in me. I want to feel it in me. bien chers frères, mes bien chères sœurs, on va essayer de chanter tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Attention. Comptez jusqu'à 4. Alors, 1, 2... Merci beaucoup. Il commence à faire bon là ici. Je peux enlever mon petit bout. Hein. Ça y est, on vient tous de passer dans la quatrième dimension là. On est cuit. Vous avez senti ça là? Cette disparition. J'ai rien senti. Attention, show! Gang. On va faire la part belle à notre DJ, le fabricant. Amis clubbers, c'est à vous de jouer. Mesdames, messieurs, DJ Le Fabricant. Pour ceux qui viennent d'arriver depuis leur pause cigarette, c'est Micro Machine. Mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce pestacle. Et on va finir en beauté avec un morceau qui s'appelle War Pigs. 1, 2, 3, 4. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Attention, chorégraphie, super dangereux. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies. C'est des micro-machines à Rio. Voilà, c'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. C'est des micro-machines à Rio. Faut pas que t'oublies quelque chose de fondamental. C'est que les frangines préfèrent tout Michael Jackson. Non, non, non, et c'est Blairon qui écoute encore Pierre Polja. Polja, on prend un kick-off d'une façon, on est flingue. Il faudrait vider la salle académia pour y reloger un millier sans abri. Si à l'école j'aurais été bon en maths, comment veux-tu que j'aimerais Black Sabbath? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Yeah. Merci, bonsoir, c'était Micro Machine. Merci. Aux machines, monsieur Ivan Tibulski, appelé aussi Dark Fader. Ok, Fat Burner à l'autre côté de la machine obscure. Au platine, monsieur Hervé. Yeah, le fabricant DJ Maker, fait des bruits. DJ, le fabricant. Faites des bruits pour ce putain de DJ. Merci à Lolo là-bas derrière au fond. Lolo, au son. Ouais, respect, c'était encore plus fort qu'avant-hier. Et joyeux Noël, bande de nazes. Salut les moches. Salut les moches. Salut les moches. Salut les moches. Salut les moches. Salut les moches. Un grand merci à toute l'équipe des Mardis du Grand Marais, To Your Attitude Production pour cette excellente coproduction et les Mardis du Grand Marais qui vous donnent rendez-vous sur l'antenne du 89.4. Ça sera à partir de janvier pour le prochain concert avec les locaux de Mato. On va terminer ce podcast spécial Noël où je vais prendre les platines. On va rester dans cette veine électro avec un petit mix comme ça qu'on va vous faire en direct. Label Rock de retour sur la FM, sur le 89.4 Virginie Radio Rouen à partir du dimanche 10 janvier, 18h à 20h. Passez d'excellentes fêtes, soyez sages, mais pas trop. Ciao tout le monde. La crème de la musique alternative, découvrez-la tout de suite dans Label Rock.